Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 27e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org, Vampire Freaks, l'émission radio. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Cette fin d'année 2015 a été ravageuse chez nos amis musiciens. Aussi ce soir, j'attaquerai cette émission avec Eagle Rock de Motorhead. C'est sur l'album Ace of Spades, sorti le 8 novembre 1980. C'est le quatrième album studio de Motorhead. On peut entendre Ace of Spades, Fast and Loose, Fire Fire, l'album de la consécration. Je diffuserai ensuite Le Point Levé de Désillusion. C'est sur l'album Metal Influence, sorti en 2014. On peut entendre Addiction, Un Monde Virtuel et État d'âme, entre autres. Je sais que vous aimez bien Désillusion. On poursuivra avec Sound Killa d'Alborosi. C'est sur l'album Soul Pirate, sorti en 2008. Il a été réédité en deux lusques, s'il vous plaît, deux CD, courant en 2015 et compte 22 titres, dont Police, Steel Blazing, Black Woman notamment. Un excellent album. On s'écoutera ensuite Cuban Necktie de Cypress Hill. C'est sur l'album Bone and Skulls, sorti le 25 avril 2000. C'est un double album. Il y en a un de rap West Coast et l'autre de rap metal. C'est le cinquième album studio de Cypress Hill. Et on finira ce bloc en live avec Black Sabbath et Even Hell, en live sorti le 25 avril 1980. C'est le premier album où Ronnie James Dio remplace Ozzy au chant. On peut entendre Neon Knight, Lady Evil et Walk Away. Thank you. Another song is dying. on the punchline a gunshot. Idiot song get clear clap. Clack clack clack you dog crap. You drop out so just pack up and I walk out how your thing flap. You full of rare. If you no go through no gunshot, nothing can be reggae. You push the bass way up but he no dead. How come you never get no dub from Alba Rosie? How come you never spend a little money for that dub? You drunk ya damn fam, but the one your name dancer in no pretty like tango. Nobody try, disrespect King Selassie I. A big man like you, they pan the ground and I cry. Don't ask me why, back up bye bye. I saw the thing set in a dancehall style. Couldn't hang with the joints from Domingo, so you got to make room when you hear my Thank you. Vous êtes toujours dans la 27e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On continuera cette émission avec le dernier titre des Vampass, Je voudrais. C'est sur l'excellent Les Vampass font la gueule, sorti en 2014. C'est le 11e album studio du groupe. On peut entendre Mars 78, Toi et moi, Les lesbiennes bavaroises. Promis, il y aura d'autres morceaux de cet album, Les Vampass font la gueule, dans les prochaines émissions. On ira faire un tour en Allemagne avec Betotont et Mindless Tag. C'est mon plus mauvais jour, c'est vous dire madame. C'est sur l'album Traum vom Freit, sorti en 2015. On peut entendre Ich brauche nicht, nur für deine Art, Gesicht. Pour la petite info, Freiheit était l'organe international des anarchistes de langue allemande, publié en Londres entre 1879 et 1910 par John Most. Je passerai ensuite Dance Guadec 2 des Ramon d'Ormenir. C'est sur l'album Dance and Duel, sorti en 2007. On retrouve Dance Guadec 1, Erson Blaze, et une super reprise de Vive le Feu des Bérus et plein d'autres. Désolé pour les bretonnants, je suis sûr que si je vous faisais lire mon occitan à moi, ça ferait pareil. Bis à vous, les peuples bretons. On poursuivra cette émission avec Too Much Pressure des Selecteurs. C'est aussi le titre de l'album sorti en 1980. On retrouve 3 Minutes a Row, Missing Words, Black and Blue, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Live Sentence des Dead Kennedys. C'est sur Live at the Death Club en 2004. On peut entendre Kill the Poor, Californian Aborellus, The Man with Dogs, entre autres. Je voudrais te revoir. Abschied, das nimmst du mir nicht krumm. Und wenn ich denke, du bist komisch, ist es meistens andersrum. Nur mit dir kann ich schweigen und es wird nie unangenehm. Nur mit dir steh ich die Pferde, die so oft mit uns durchgehen. Du bist mein Fels in der Brandung, in schwerer Zeit. Du gingst für mich durchs Feuer. Das notfalls meine Wein wär heut mein letzter Tag. Ich würde es dir verschweigen. ne créno. Par ton air d'en bévite, nos maisons ma halo ne créno. A ton air d'en change, t'in de malo, ne m'aspire. De la red one to der, de la ma de ma change. T'as tout bête au change, t'in ta malo, a ta frère. De la red one to der, de la ma de ma change. Voyez que d'en vie et d'en in nominare, me déplore. Répétez que d'en vie et d'en in nominare, me déplore. On a gué en bari, des gué de d'en vie et d'en in, c'est toujours d'en d'en vrai. On lui paraît sauté. Like that guy. Wow. but you can't go back. But you're getting sick and fast and stuck in it. Say your breakout. You never do, you're just another ass in the hell. The last minute. Vous êtes toujours dans la 27e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On commencera ce bloc avec Trust et Fatalité. C'est sur l'album Répression, sorti en 1980. On peut entendre Instinct de mort, Au nom de la race, Sortez griffes, entre autres. Je tenais à remercier les Nelly Olson de Lyon qui m'ont envoyé l'excellent We Are Noisy, sorti en 2014. On peut entendre Mariana Gate, I Don't Like. Il est en écoute sur toutes les plateformes légales. Et ce soir, je passerai Hard to Be Better. Allez faire un tour sur la page Facebook de Nelly Olson. IE à la fin de Nelly. Nelly Olson. Vous pouvez pas vous tromper. La photo de profil, c'est cette petite peste de Nelly Olson de la petite maison de la prairie. On s'écoutera ensuite Les Shérifs et le grand classique Fanatique de télé. C'est sur l'album 3-2-1-0, sorti en 1988. On peut entendre Joue avec le feu, Megator, Le Shérif de l'espace et plein d'autres. Puisqu'on sera dans le sud, et oui, les Shérifs, ils sont de Montpellier, et bien on ira jusqu'à Marseille avec Massilia Sound System et tous ces mots. C'est sur le merveilleux album Massilia, sorti en 2015. On peut entendre Massilia Number One, Parle à fort, Pourquoi je morfle, entre autres. Et on restera à Marseille et on ira au Dôme avec la Funky Family et Entre deux feux. C'était en 2003. On retrouve Haute Tension, Petit Bordel, Nictou, un super live récupéré dernièrement. Je pas tellement heureux. Reste le vol à la type parfois sinon sortir. L'idéal même pendant que d'autres se plaignent. Dans ce grand merdier tu as 10 ans t'as jugé. Il faut se dépouiller les couilles, il faut les parer. Vous pouvez baisser les yeux, regardez les yeux. Quand t'arrives à classe déjà tout le monde tu en veux. Ah tu en veux. Ton cerveau est rongé. Il t'arrive de pleurer et même de regretter. Quel effet ça doit faire quand tu en parles à ta mère. T'as pas les envies d'un seul issue, c'est de les frapper. Ah les frappe. Oh frappe. Frappe. Toujours des problèmes. T'es dans les HLM qui ont toujours des problèmes. T'es dans les HLM qui ont toujours des problèmes. Des problèmes, des problèmes, des problèmes. We'll be right back. fuck up. I could fuck up on the office carpet, but now I'm so straight, and I just propose to try to head home. I could fuck up. I could fuck up in the backseat of my car, but it goes too far, and I just say goodnight. Have a beautiful dream, so it's hard to be better, hard to be better. Day after day, getting the best of a lifetime off, as if the party was over. Take her for a walk under the moonlight. I could leave her. I could leave her for a younger house. But a thing must pass, and I stay on my sleepers quietly on my sleeper. It's hard to be better, hard to be better. Day after day, getting the best of the lifetime off. I think the party was over. Oh, it's hard to be better, hard to be better. chemin de croix. Le vrai chemin de croix. Chèque à moi. Le loyer. Les papiers. Délocalisation, expulsion, j'ai plus d'allocation. Tous ces mots qui nous font froid dans le dos. Tous ces mots qui nous mangent le cerveau. Tous ces mots qui font du mal au prolo. Tous ces mots nous laissent sur le carreau. Abri, plus béni, la vaste des prix, xénophobie, préférence, made in France, OPA, TVA, RSA, on est dans le caca. Tous ces mots qui nous font froid dans le dos. Tous ces mots qui nous mangent le cerveau. Cancer, c'est l'hiver. La qualité de l'air, la pollution des mers, la pollution des mers, la rigueur, la rumeur, les factures, la fracture, les bavures, mon vieux, la vie est dure. Tous ces mots qui nous font froid dans le dos. Tous ces mots qui nous mangent le cerveau. C'est qu'il y a un enfer. S'il y a du bien, c'est qu'il y a du mal. S'il y a un dieu, c'est qu'il y a un diable. Je suis pris entre les deux feux. C'est entre l'eau, tiens, qu'en veux faire avec, c'est inévitable. Pris entre deux feux, quand tu casses, me dis, je me fous que t'es une conne, vas-y, serre-moi. Pris entre les deux feux, lorsque mes gammes disent, vas-y, fume-moi. Ça fait du bien alors que c'est mauvais pour moi. Si je bois, tu veux-tu que je m'en prenne, hormis à moi-même. Personne ne me force ni ne m'entraîne. Qui que tu sois, tu restes seul maître à bord. Deux jours de ta naissance jusqu'à celui de ta mort. On a tous une tâche à accomplir. Je sens bien ou mal, je ferai mon truc avant de partir. Marseille, ce soir, je veux du bruit. C'est une histoire de haine et d'amour. Je bouge entre ces deux feux. Tu ne vois pas le point rouge entre tes deux yeux. Mon rassure si tout sauf ce qu'on tente de peu. Les limites surpoussent, ça te rend nerveux. Boulot sérieux, donne sale gamin. Rentre dans le rap comme te donne un sac à main. Si on te tire dessus, de chaque côté de la rue. Couche-toi sous les poils, tout ce qu'on fait entre nous. Il était une fois entre ciel et terre. Entre dans un monde nouveau comme si c'était hier. Entre paix, guerre, cri et prière. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. Je me souviens de tout comme si c'était hier. Verse par terre pour un ami mis en terre. Va dire aux anges qui s'est lancé à l'air de la guerre. Et c'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. Marseille, toutes les mains en l'air. Quel que soit l'âge, le sexe ou le niveau d'études, la vie fait que nous ce qu'on est, y'a pas de quoi garder rancune. Être dépoussolé au plein d'amertume, tant qu'on a la volonté et la liberté de choisir, pas d'inquiétude. Nous apprenons en jour et nuit, la vie entre ciel et terre, on peut répondre non et oui. Aimer mère et père, évaluer pour et contre, se retrouver haut et bas, perdre et trouver son compte. Lorsqu'on entre bien et mal, ce que la vie offre à la vie, n'aurait pas tout le temps l'espoir. Comorance, amour, tolérance, douceur et joie, et aussi le côté morose, haine, humeur noire, angoisse, fureur, crainte, tristesse et désespoir. Chacun choisit ses valeurs, sa manière d'être et de voir, son code moral, son mode de vie, son clan et son pouvoir. Je dis ces trucs histoire de faire savoir ce que c'est que de ne savoir que faire, à part se servir de son savoir. La vie te donne, elle te le refera aussitôt. Y a-t-il pire que la destinée d'un nécessiteux? Dans la pauvreté totale, ils ont la force et résistent. Garde la foi en Dieu et je les félicite. On n'a pas toujours ce qu'on mérite, pas toujours à manger dans la marmite. Là le mal et le bien se précipite. Teste le peuple pour voir ses limites. Entre ciel et terre, Satan s'agit. Toutes les mains en l'air. Lève tes paluches. En bas, en haut, Marseille, toutes les mains en l'air. Il était une fois entre ciel et terre. Arbitrage un monde nouveau comme si c'était hier. Entre paix, guerre, prière, prière. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. Je me souviens de tout comme si c'était hier. Verse par terre pour un ami mis en terre. Va dire aux anges qu'ils aient l'argent et le nerf de la guerre. Et c'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. Honnêtement, ce soir, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit un grand show. Alors, est-ce que vous êtes chaud, Marseille? Ok, frangin, explique-leur un peu le truc. Ok. Je vais le dire clairement et vite fait. Nous sommes anti-justice, anti-État et anti-autorité. Et pourquoi? Car ils désirent nous priver de notre liberté. L'État fait tout pour qu'on perde notre fierté. L'État assassine la vérité. Donc nous sommes anti-État, anti-justice et anti-autorité. Dans ce pays, tant que nos cœurs battent, on n'est rien pour les gens. Mais si l'État nous abat, là on entre... Ah, qu'est-ce que je l'aime, moi, ce petit live de la FF. Vous êtes toujours dans la 27e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On commencera ce bloc avec La Gâchette et Dans ta face. C'est aussi le titre de l'album sorti en 2015. On peut entendre Jackpot, Pression, Le meilleur des miens. Un super album. Je diffuserai ensuite Body Count et Body Count's in House. C'est sur l'album Body Count, sorti en 1992. On peut entendre Smoked Port, Statistique, The Winner Lose. Entre autres, pareil, récupéré dernièrement chez mon ami Jean-Pierre qui nous écoute à Paimpol, Bispoto. Je passerai ensuite Ready My Like d'Asian Dub Foundation. C'est tiré de l'album Community Music, sorti en 2000. On retrouve Memory War, New Way, New Life, entre autres. Et on poursuivra avec Pantera et Slaughtered. C'est sur l'album Far Beyond Driven, sorti en 1994. On peut entendre Becoming, Unbroken, 25 Years, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec les Fatal Picard et le titre Schizophrène. C'est sur le live Fatal Picard sur scène, sorti en 2012. C'est un double CD. On peut entendre Coming Out, Dans mon verre, La sécurité de l'emploi, entre autres, beaucoup, beaucoup d'autres. Un album top déjanté. Je sais que j'aimais avec mes frères. Yeah, motherfucker! Main motherfucker called Moose Man, laying the rhythm tracks. I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C, and I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise. Yeah, goddamn it. Come on, come on, come on, come on! Come on! Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. This is the rhythm I like. Influence. cherche de les pierres. Oh ouais c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais c'est super, il me manque que une. Oh ouais c'est super, c'est la naze. Je suis dans les poubelles, les gens parlent pas beaucoup. Mais des fois je sors, mais les gens parlent pas beaucoup. Les gens disent que je suis malade et qu'on devrait m'enfermer. Mais moi j'aime bien les gens, mais j'aime bien m'enfermer. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie des mots, je vois la vie des mots. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie des mots, je vois la vie des mots. Oh ouais, c'est super, je collectionne les cheveux. Oh ouais, c'est super, je les ai presque tous. Ah ouais, c'est super, il m'en manque que un. Oh ouais, c'est super, attends, c'est un gris. L'autre jour, pendant la nuit, j'ai fait la cuisine. J'ai préparé mon plat favori, c'était des glaçons. Mes copains, ils étaient pas venus, mais bon, c'est tant mieux. Mes copains, c'est des allumes-gaz, alors ils auraient fait peur aux glaçons. Bah oui, bah oui, bah oui. Je me prends dans mes bras, je me parle. Je vois la vie des mots, je vois la vie des mots. Je me prends dans mes bras, bah. Oh ouais, c'est super, je collectionne les yeux. Oh ouais, c'est super, je les ai presque tous. Oh ouais, c'est super, il m'en manque que un. Oh ouais, c'est super, c'est un gris. Des fois je me balade, mais après j'arrête. Je me suis assez baladé, alors après je fais rien. Alors je joue à courir après mon ombre. Et je cours très très vite, puis quand je me rattrape, la voix elle me dit schizophrène, schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas dans le mur, dans mes bras, des fichages, je leur parle tout bas. Je vois la vie des mots, je vois la vie des mots dans mes bras, des fichages, je leur parle tout bas. Comme un psychopathe, je mange des pâtes. Comme un déséquilibré, je mange déséquilibré. Mais j'ai plus d'amis pour moi, parce que j'ai mangé mon propre feu. Ah, il est excellent aussi ce Fatal Tursen. Vous êtes toujours dans la 27e Vapeur Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On continuera cette émission avec Ragasonic et Poussière d'Ange. C'est sur l'album Ragasonic sorti en 1995. On peut entendre Légaliser la Ganja, J'entends parler, et le super duo avec NTM Aiguisé comme une lame. Je diffuserai ensuite Les Copains Basques de Ferguson avec Multicultural Solidarité. Et je le dédicace à Stéphane qui nous écoute à Montréal via le site archive.org. Ils seront en concert la semaine prochaine à Drummondville, justement avec les Fidèles Fiasco. Ils viennent de sortir un album, sobrement intitulé Ferguson. On peut entendre Herzdoot, Clairement, Oppression, un super album à découvrir sur Bandcamp. Ferguson, F-E-R-G-U-S-O-N-S. Ils sont du Pays Basque. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera cette émission avec les Cowboys Fringants et le titre Oktoberfest, c'est sur l'album Octobre, sorti en octobre dernier. On peut entendre Octobre, La Quétave, Louis Hébert. Et si on se faisait péter un dub à mix, je passerai Valsin Dub. C'est sur l'album sorti en 2015, Pour qui sonne le dub. Allez faire un tour sur la page Bandcamp de Dubamix et n'hésitez pas, partagez. Et on finira ce bloc avec Placebo et Too Many Friends, c'est sur l'excellent Loud Like Love, sorti en 2013. On peut entendre Scene of the Crime, Rob the Bank et Begin the End. Oh shit, what the fuck is this? Banlieue, message, home, crack, héroïne, en fait, ça c'est la merde. Maintenant, je me dégouette, dis pas avec ça, ragassonner son R.E. de ma dis-aide et prendre de ma tête. C'est de tes anges, je ne prendrai pas la poussière. J'y perdrai au change, si je me fous des anges. Pas de coke, pas de crack. Pas de coke, pas de crack. Pas de coke, pas de crack. Pas de coke, pas de crack. Fala mena mana man, pas de coke, pas de crack, pas d'héros, pas de coke, pas de coke, pas de crack. Comme fala mena man, pas de coke, pas de crack, pas de coke, pas de crack. Fala mena mana man, pas de coke, pas de crack, pas d'héros, pas de coke, pas de coke, pas de crack. Je ne prends pas de coke, pas de crack, comme Daniel Mori vient de te l'expliquer. Sinon, boum, patatrac, tout risque de s'effondrer. Ce, on est parti pour un claque, à l'arrivée tu te fais poignarder. Ce, tu décolles, c'est cool, tu voles, tout va bien t'éclater. Mais, pas de bol, tout coule, t'es molle. Ce reste vraiment fatal, c'est un joint, je venais en fumer. C'est de tes anges, je ne prendrai pas la poussière. J'y viendrai au change si je me fous des en l'air. De l'obscurité, j'haïs la lumière. Pas pour mes pensées, que mes pensées. Pas de coke, pas de crack, pas de coke, pas de crack. Comme pour la main à moi. Pas de coke, pas de crack, pas d'héros, pas de coke, pas de coke, pas de crack. donc le premier flic de France, Manuel Valls. Lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi assurer, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, la reconduite à la frontière. La question des campements illicites doit également vous mobiliser. C'est difficile. Et mener une politique d'immigration, vous le savez bien ici, nécessite beaucoup de fermeté. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Il n'y a que deux mots à prononcer, la République et la France. Et la France. Walking home, this is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet, and I'll never. Needle in the hay, ran expensive stuff. Cette 27e Vapeur Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. En guise de générique, je passerai Talisco et Your Wish. Vous reconnaîtrez facilement ce morceau, il est utilisé dans la publicité. Donc le titre de l'album c'est Run, sorti en 2014. On peut entendre The Keys, aussi utilisé en publicité. So Hold, Follow Me notamment. Salut à toutes et tous la tribu. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut, CLIMB! Far away, another day comes, and there's no fixed rules on the way we see life, and there's no fixed rules on the way we see life. Let's slow down, now release your reach. Let's smile and slow down, now release your reach. Hey, back your bag, I'll take you somewhere. Don't be afraid, I'll always be there. And there's no fixed rules on the way we see life. And there's no fixed rules on the way we see life. Take care of you anytime, everywhere.